La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment l'origine se raconte-t-elle ? Avant toute chose, et vous allez voir que c'est l'expression qui convient, je ne peux guère m'empêcher de vous dire à quel point je suis heureux de vous retrouver après une si longue interruption. Mais venons-en à notre question du jour, la notion d'origine, qui a ceci d'étrangement étrange qu'elle mêle des considérations temporelles à des ambitions explicatives. En effet, elle balade constamment son ambiguïté entre deux idées par ailleurs limpides. D'une part, celle de commencement, qui répond à la question « quand ?», d'autre part, celle de cause, qui répond à la question « pourquoi ?». Prenons, juste pour voir, l'origine du monde, qui sans doute est de loin la plus délicate à saisir de toutes les origines. Elle demeure assurément un mystère, une question sans réponse connaissable, car sans point d'ancrage ferme. Et pourtant, dès qu'un discours prétend nous éclairer sur elle, nous tendons l'oreille, avide d'entendre l'écho du tout premier signal. Car nous autres, les humains, nous sommes des animaux métaphysiques, comme disait Schopenhauer. Nous sommes les seuls qui s'interrogent sur l'être en tant qu'être, les seuls pour qui l'être fasse question. D'ailleurs, aussi loin qu'on puisse remonter dans le passé, on constate que les interrogations sur l'origine ont préoccupé les êtres humains, aimanté leur esprit et leur âme. Toutes les sociétés, grandes ou petites, puissantes ou faibles, perdues sur un îlot rocheux ou dans un désert inhospitalier, ont proposé une histoire du monde, leur histoire du monde et de son origine. Les philosophes, les psychanalystes, les psychologues, les théologiens n'ont pas manqué de s'intéresser au pourquoi de ce questionnement. L'origine serait, au choix, une quête sans fin prévisible, le moteur même de notre questionnement, un manque qui nous habite, une carence qui nous définit, une illusion qui nous sauve, ou encore, plus prosaïquement, un faux problème qui nous turlupine bigrement. Nous pourrions compléter ces réponses par l'argument suivant. Si la question de l'origine est si prenante, si difficile à licencier, si captivante, c'est aussi parce qu'elle se situe au point de rencontre de deux mouvements opposés de la pensée. Le premier est celui qui incite à considérer que seule la compréhension du passé peut fonder l'intelligence du présent. Le second mouvement, inverse du premier, est celui qui incite à considérer qu'il n'est possible de comprendre ce qui fut qu'à partir du moment où l'on comprend ce qui est. Une part de l'activité intellectuelle nous porte en effet à croire que si nous connaissions le vrai commencement du monde, nous connaîtrions ipso facto l'intégralité de son devenir. Le commencement pur est alors pensé comme une sorte de Dieu, aux allures de clé essentielle, capable d'ouvrir toutes les serrures qui nous résistent encore. L'origine aurait en somme un parfum de fin des fins. Mais inversement, une autre part de notre entendement attribue à toute affirmation qu'il croit vraie un effet rétroactif. Il lui imprime un mouvement rétrograde qui la projette dans le passé. C'est ce qu'a bien vu Bergson qui écrit « Par le seul fait de s'accomplir, la réalité projette derrière elle son ombre dans le passé indéfiniment lointain. Elle paraît ainsi avoir préexisté sous forme de possible à sa propre réalisation. De là une erreur qui vicie notre conception du passé. » Fin de citation. Mais en amont de ces analyses, il reste un fait brut. La variété et la richesse des récits sur l'origine que les anthropologues ont rapporté des quatre coins de la planète, qui n'est pourtant pas un carré, sont impressionnantes. Dès lors, la question qui se pose est celle-ci. Est-il possible de classer ces discours en un petit nombre de familles? Si oui, combien et lesquelles? Pour répondre à cette question, je me suis dit que le mieux serait de converser avec quelqu'un qui se l'est sérieusement posé et qui a longuement travaillé pour tenter d'y répondre. Ce quelqu'un, je l'ai trouvé, il s'appelle Pascal Nouvel. Bonjour Pascal Nouvel. Bonjour Étienne. Vous êtes docteur en biologie et en philosophie, professeur de philosophie à l'université de Tours, et vous publiez aux éditions du CNRS un gros livre qui s'intitule « Avant toute chose » et qui a pour sous-titre « Enquête sur les discours d'origine ». Alors, je vais lire la première phrase de cet ouvrage, qui est celle-ci. « Il n'est pas de culture qui n'ait soulevé la question de ses origines. Mieux, cette question a toujours reçu une réponse. » Voilà ce que vous écrivez en préambule de votre livre. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est certain qu'il n'est pas de culture, qu'il n'est pas interrogé la question de l'origine. Je vous pose la question parce qu'il y a quelques mois, j'avais reçu François Julien, oui, spécialiste de la Chine, qui expliquait que la Chine n'a pas vraiment posé la question de l'origine absolue, oui, que tout est en transition, oui, que l'univers est un processus indéfini, continu, oui, de sorte que la question du commencement pur ne s'est jamais posée parce que le langage, la langue chinoise ne permet pas de la poser. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'ailleurs, vous évoquez, oui, oui, oui, François Julien dans votre livre. Oui, oui, oui, oui. Je parle de cette thèse, effectivement, qu'il a défendue, selon laquelle la culture chinoise s'est dispensée de la question de l'origine et que ça a un rapport avec sa position métaphysique fondamentale, hein, si on peut l'appeler comme ça. Et alors, il y a quand même un fait qui va contre ça, c'est qu'il y a des récits d'origine dans la culture chinoise. Pas beaucoup. Oui, mais il y en a. Et simplement, ces récits prennent moins d'importance dans un contexte culturel que dans un autre. Et donc, peut-être moins d'importance dans la culture chinoise qu'ailleurs. Mais qu'il n'y ait aucun questionnement sur l'origine, ça paraît beaucoup plus difficile pour une raison toute simple, c'est que dès lors qu'on pose des questions, dès lors qu'on est un être humain et qu'on a cette capacité à questionner, on ne voit pas très bien ce qui aurait fait qu'une culture se serait empêchée, aurait proscrit les questions qui ont trait à savoir d'où viennent les choses. C'est une question qui est immédiate dès lors qu'un questionnement est possible. Donc, alors, je l'ai dit en vous présentant et en présentant votre livre, Pascal Nouvel, ce livre est le résultat d'une très longue enquête. Vous avez étudié beaucoup de types de discours sur l'origine. On ne va pas le dire tout de suite, mais vous proposez une classification assez simple en quatre grandes familles finalement. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a semblé manquer dans les analyses qui avaient jusque-là été faites autour de cette question de l'origine du monde ? Alors, le point de départ, ce qui m'a amené vers ce questionnement, c'est d'abord une lecture de Michel Foucault, qui a tendance à déporter les questions depuis ce qu'on interroge vers la manière dont on y répond, autrement dit vers les discours qui ont été élaborés pour répondre à une question donnée. Donc ça, c'est la première chose, c'est regarder des discours plutôt que se poser la question de savoir d'où on vient. Cette question, elle a donc été posée à de nombreuses reprises. On y a répondu de nombreuses façons aussi. Mais l'idée, c'était d'abord de regarder ça. Et puis, la deuxième chose qui a beaucoup contribué à l'élaboration du projet, c'est... Alors, il faut que je précise un petit peu mon parcours. Moi, je suis scientifique de formation initiale. Je me suis tourné vers la philosophie après avoir fait une thèse de biologie, de génétique moléculaire. Et donc, la génétique moléculaire a une certaine réponse, au moins depuis Darwin, à la question de l'origine. Alors, pas de l'origine de l'univers, mais de l'origine de la vie, ce qui est déjà quand même un point tout à fait important lorsque on pose la question de l'origine. Et donc, cette réponse, moi, elle me semblait tout à fait convaincante, puisque j'avais baigné dedans, j'avais travaillé avec la théorie de l'évolution comme n'importe quel biologiste, et donc j'avais aussi, disons, endossé tous les principes qu'elle contient. Et je me suis trouvé à être nommé professeur de philosophie à l'université de Montpellier, où il y a un groupe très important, très très actif aussi, de phénoménologues. Et là, je me suis intéressé à ce type de discours que les phénoménologues ont sur l'origine. Et je me suis aperçu, d'abord à ma grande surprise, et puis petit à petit aussi avec un peu d'agacement, qu'il y avait des discours. Alors bien entendu, tous les biologistes savent qu'il y a aussi le discours biblique, le discours mythique sur la création qui vient plus ou moins en concurrence avec le discours des biologistes. Mais là, il se présentait un autre discours qui n'est pas religieux, qui n'est pas non plus de caractère mythique, qui se donne comme un discours rationnel et qui est un discours sur les origines. Et donc j'ai commencé à me dire, donc il n'y a pas que le discours scientifique sur les origines, il y en a au moins un autre, voire dire un troisième si on commence à se lancer dans l'idée d'une classification. Et c'est à partir de là, et donc avec l'idée d'analyser des discours plutôt que des questions venant de Michel Foucault, comme je disais, que s'est élaboré le projet qui aboutit dans ce livre. Donc la question qui vous intéresse, c'est non pas tant celle de l'origine proprement dite que notre façon de la raconter, ou des façons de la raconter. Les façons de la raconter, les façons d'en parler, les façons de rentrer dans le problème, les façons... soit de raconter une histoire, soit de rechercher ce qui pourrait nous mettre sur la piste d'une réponse, soit encore de poser la question de savoir pourquoi on se pose cette question-là. Hein, voilà, il y a un éventail de possibilités d'accès, soit encore, on pourrait évoquer aussi une autre possibilité qui est souvent trouvée, qui consiste à dire, eh bien, cette question n'a pas de sens, il faut la rejeter, il faut la proscrire, parce que elle n'a de toute façon pas de solution. Ou bien considérer qu'il n'y a pas d'origine. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un monde. Oui, alors, soit dire qu'il n'y a pas d'origine, qui est une façon d'évacuer déjà la question, soit aller encore un peu plus loin, dire non seulement il n'y a pas d'origine, mais en plus poser la question. Il ne faut pas avoir la faiblesse de poser cette question-là. C'était la thèse de Wittgenstein, je crois. Peut-être que Wittgenstein a repris ça, hein, puisqu'il y a les questions dont on ne peut pas parler, auxquelles on ne peut pas répondre, mais on peut interpréter de diverses manières. Donc ce dernier chapitre du Tractatus, mais c'est surtout la position d'Auguste Comte, celui qui s'est le plus illustré dans ce combat, hein, si on peut dire, contre le questionnement sur les origines. C'est Auguste Comte qui en a fait, pour ainsi dire, le symbole du positivisme. C'est-à-dire que dès lors qu'on est positiviste, on rejette la question des origines. Et dès lors qu'on lui donne à cette question une quelconque audience, un quelconque intérêt, eh bien, on cesse de l'être, on cesse d'être positiviste. Alors, la particularité avec Auguste Comte, c'est que à la fin de sa vie, de façon ironique, il a développé tout un discours sur les origines de la rationalité, tout un discours qui consistait en fait à célébrer les origines de la rationalité avec un calendrier positiviste, etc. Et donc, d'une certaine façon, il s'est contredit lui-même. Il a été rattrapé par la question qu'il refusait de poser. Voilà, oui, il a donné lui-même les arguments contre sa propre thèse. Alors, Pascal Nouvel, par sans doute un souci de cohérence, vous commencez assez tôt dans le livre par interroger l'origine du mot « origine ». Enfin, les origines, parce que vous mettez un pluriel. Quelles sont les origines du mot « origine » ? Alors, l'origine, le mot lui-même vient du terme latin « origo », et le terme renvoie à l'endroit d'où vient la lumière, d'où vient le soleil. Et à partir de ces données étymologiques, on peut remonter déjà à un certain nombre de problèmes qu'on retrouve dans tous les récits ou dans tous les questionnements d'origine. L'un des problèmes qu'on trouve de façon constante, c'est la distinction entre l'origine et puis le fondement. Un fondement, c'est quelque chose qui reste là aussi longtemps qu'une chose existe. Par exemple, la fondation d'une maison, 10 ans ou 100 ans ou même 1000 ans après, si elle existe encore, la maison après 1000 ans, sa fondation est toujours là. C'est son origine en un sens, hein, c'est bien quelque chose qui est relié à l'origine. Mais l'origine, lorsqu'on parle de origine au sens le plus général, ce dont on veut parler, ça n'est pas de la fondation, c'est de la manière dont cette fondation a été produite. Donc ça peut évoquer les ouvriers qui l'ont construite, ça peut évoquer l'architecte qui a construit les plans, ça peut aller encore plus loin, ça peut aussi évoquer l'école de conception architecturale à laquelle l'architecte lui-même appartient, et on peut ainsi remonter indéfiniment. Et le point important à repérer ici, c'est que si le fondement est bien identifiable, bien repérable, bien délimitable, l'origine, elle peut reculer au fur et à mesure qu'on s'interroge sur elle. Elle peut reculer quasiment indéfiniment, disons. C'est-à-dire que tout discours, moyen de l'arrêter, le questionnement sur l'origine. Ça veut dire que tout discours sur l'origine commence par évoquer une sorte de starting block. On commence avec ceci, il y a quelque chose qui est déjà là, qui va ensuite se déployer pour donner ceci ou cela, mais il y a toujours du déjà là. Voilà, il y a toujours un arbitraire commencement, on commence à quelque chose dont on ne sait pas d'où il provient lui-même, d'où la problématique générale de l'origine. D'où le fait qu'il y a toujours quelque chose qui échappe, qui est en avant de ce qu'on a commencé à décrire, et qui donc est ouvert sur le questionnement, sur un nouveau questionnement, sur la possibilité d'un questionnement encore plus approfondi. Et ceci est donc un processus qui n'a pas de fin. Mais en 1866 ou 64, ça dépend des sources, vous rappelez que la Société de linguistique de Paris a interdit toute recherche sur l'origine des langues, au motif que cette prétention excédait les capacités conceptuelles de l'homme et les moyens de la science. On a ajouté un article au statut de cette société qui dit ceci: la société n'admettra aucune communication concernant soit l'origine du langage, soit la création d'une langue universelle. Au XXe siècle, on est revenu sur cette interdiction, puisqu'on a commencé à comprendre la question de l'origine du langage d'une autre façon. Mais quand on parle par exemple de l'origine du langage, il y a deux façons d'entendre la question. Soit on se dit il y a eu une première langue qu'il faut identifier, et qui ensuite, par déclinaison successive, a engendré les 6000 langues connues aujourd'hui. Et donc, il s'agit d'identifier une sorte de proto-langage. Ou bien, autre façon de comprendre la question, on essaie de comprendre les conditions environnementales, intellectuelles, cérébrales, culturelles, peut-être religieuses, qui ont fait qu'un groupe humain, à partir d'un certain moment, a eu besoin de communiquer sous la forme d'un langage plus ou moins articulé. Oui. C'est deux façons complètement différentes de comprendre ce sens du mot origine, et cette ambiguïté est peut-être ce qui a fondé la Société de linguistique de Paris à rejeter tous les manuscrits. Alors, c'est possible, il faudrait... Ou alors c'est Auguste Comte. Voilà, Auguste Comte joue un rôle certainement tout à fait décisif dans ce choix, parce que la Société de linguistique de Paris se voulait positiviste, s'inscrivait dans le mouvement que j'indiquais tout à l'heure, où la question des origines est proscrite. Et donc, la Société, effectivement, met en avant le fait que c'est une question qui... dans la mesure où on cherche à poser des questions auxquelles des réponses peuvent être apportées, la question des origines, c'est une question qui est dès lors réputée comme oiseuse. Une question donc qu'il ne faut pas poser, et qu'il ne faut pas poser aussi parce qu'on se trouve dans ce genre de dilemme que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire on peut prendre la question d'une manière ou d'une autre, et finalement on en reste à un débat sur la bonne manière de comprendre la question. Mais on revient à ce que vous, la distinction que vous faisiez tout à l'heure, vous parliez de fondement. Oui. Donc là, c'est les conditions qui font que la langue apparaisse quelque part, et elle a pu apparaître en plusieurs endroits différents, et c'est un processus continu. Les gens ne sont pas mis à parler comme Victor Hugo d'emblée. Il y a une évolution. Oui, oui. Ou bien on cherche la première langue qui serait l'équivalent pour l'univers de l'instant zéro, alors que l'origine pensée en termes de fondement, c'est plutôt quelle était la matrice matérielle à l'origine de l'univers, par exemple le vide quantique ou autre chose. Et donc cette dualité de la notion d'origine, on la retrouve quel que soit le type d'objet dont on cherche à comprendre l'origine. Oui, donc il y a un certain nombre de traits de structure qui sont vrais dans tous ces discours. Et c'est là l'un des points de départ. Bon, il y a les éléments de méthode que j'indiquais tout à l'heure. Et puis, autre point de départ, on peut, dans ces discours sur les origines, identifier un certain nombre de traits de structure qui vont, à ce moment-là, permettre de ranger les discours les uns par rapport aux autres. De dire, eh bien, ce discours, il a un certain nombre d'affinités avec d'autres discours, et donc on peut le mettre dans une grande catégorie. Alors, on va venir, évidemment, Pascal Nouvel, à la classification assez nouvelle que vous proposez. Vous avez classé les différents discours d'origine. Mais avant, comme vous avez été scientifique, et vous l'êtes toujours un peu, parce qu'on ne sait jamais de l'être quand on l'a été un jour, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand un scientifique raconte l'origine d'une chose, par exemple, les étoiles, ou bien les atomes, ou bien d'autres structures qui sont présentes dans l'univers, en fait, il raconte une histoire préalable à l'apparition de cette chose dont il veut comprendre l'origine, et donc cette chose est l'aboutissement. Autrement dit, pour un scientifique, le mot origine veut dire conclusion. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui a précédé l'apparition de cette chose, et donc cette chose est l'aboutissement. Oui, certainement, mais il faudrait ajouter que le scientifique est conscient qu'il dépasse les limites de ce qu'il peut réellement connaître, c'est-à-dire que quand il parle de l'origine, et peut-être contrairement à ce qu'imaginait Auguste Comte, il sait très bien, lui scientifique, qu'il est dans l'hypothèse. C'est-à-dire pas forcément, l'origine des atomes par exemple, elle est aujourd'hui très bien comprise, on sait que les atomes les plus légers se sont faits au moment, enfin dans les minutes qui ont suivi le Big Bang, les plus lourds dans les étoiles de type Soleil, les encore plus lourds dans des supernovas. Tout ça peut être plus que... C'est pas des hypothèses, c'est vraiment des choses aujourd'hui bien comprises. Oui, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Si le point de départ, en effet, il est dans l'ombre. Voilà. Et si on vise ce point de départ-là, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que malgré tout, les scientifiques s'avancent au-delà du point de départ. Qu'est-ce qu'on trouve au-delà de ce point de départ? Eh bien, un certain nombre d'hypothèses. Il n'y en a pas des centaines. En général, à une époque donnée, il y en a, disons, une demi-douzaine, entre 5 et 10, disons. Mais pour chacun de ces moments cruciaux à partir desquels quelque chose a commencé. C'est vrai pour l'origine de l'univers, c'est vrai aussi pour l'origine de la vie, c'est vrai aussi pour l'origine de l'homme ou l'origine du langage dont vous parliez à l'instant. Voilà des moments qui sont des points sur lesquels les scientifiques peuvent réfléchir, mais ils réfléchissent sur un mode hypothétique. Mais ce que j'essaie de vous faire dire, c'est que raconter l'origine de l'univers, c'est pas la même chose que raconter l'histoire de quelque chose qui est dans l'univers. Parce que raconter l'origine de quelque chose qui est dans l'univers, c'est raconter l'histoire qui l'a précédé et qu'il vient conclure. Oui. Ce qui voudrait dire que raconter l'origine de l'univers, ça supposerait qu'avant l'univers, il y a une histoire à raconter dont l'univers est l'aboutissement. C'est ça. Une sorte de contradiction. Comme s'il y avait un avant de l'origine, alors que pour l'univers, l'origine est censée être une sorte d'absolu, précédée par du rien. D'où le fait qu'on a une limite, mais ça n'est pas seulement pour l'univers. C'est le point qui fait qu'on a une certaine parenté entre les discours d'origine, qui n'est donc pas limité à la question de l'origine de l'univers lui-même, même si c'est, là on a une limite particulièrement vertigineuse, disons, puisque s'il n'y a rien, on ne voit pas très bien comment des processus peuvent se dérouler. Mais lorsqu'on parle de l'origine de la vie, on retrouve le même processus. C'est-à-dire que si on veut remonter au moment où le vivant n'existait pas et si on veut décrire, raconter la transition du non-vivant au vivant, eh bien, on en est réduit à un certain nombre d'hypothèses concurrentes qui sont à peu près d'égale valeur à un moment donné de la science. C'est-à-dire, avec les connaissances dont on dispose aujourd'hui sur le vivant, sur l'univers ou sur les langues, eh bien, il y a quelques hypothèses qui sont concevables et qui sont cohérentes. Alors, vous évoquez assez longuement la question dont vous dites qu'elle est canonique, la question que Leibniz a posée un beau jour de l'an 1714, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? D'où vient qu'il existe un monde, alors que l'absence de monde est évidemment plus simple que n'importe quel monde. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que le complexe, le non-simple, l'a remporté sur le néant? Est-ce que c'est une question qu'on pourrait qualifier de métaphysique, évidemment, mais au sens de gratuite, impossible à résoudre? Au contraire, est-ce qu'elle a une profondeur qui a coupé l'histoire de la philosophie en deux, en quelque sorte? Alors, je ne sais pas si ça a coupé l'histoire de la philosophie en deux, mais en tout cas, les deux réponses que vous évoquiez à l'instant, donc soit c'est une question gratuite, soit c'est une question extrêmement profonde, ces deux positions, on les trouve exprimées dans la suite des commentaires sur Leibniz, par exemple chez Bergson et chez Heidegger. Pour Heidegger, c'est la question la plus fondamentale qu'on puisse se poser. Pour Bergson, c'est une fausse question, c'est une pseudo-question dont il faut en quelque sorte se guérir. Mais pour ce qui concerne Leibniz lui-même et sa formulation de la question, donc pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, ce qui m'a intéressé dans cette question, dans cette formulation plus exactement, c'est que, elle apparaît au début du XVIIIe siècle, comme vous le rappeliez, mais elle est en fait déjà présente comme une ombre, comme une sorte de fantôme, depuis toujours. C'est-à-dire que Leibniz ne fait que formuler quelque chose qui s'est déjà manifesté sous la forme de réponse. Mais comment est-ce qu'une question peut être là depuis toujours sans être jamais formulée? Eh bien, à travers les réponses qu'on lui donne. Par exemple, un mythe, le mythe de la théogonie, c'est une réponse possible à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Et pourtant, la question n'est jamais formulée. Mais une fois qu'on a la question, on peut se dire « Bien oui, c'est à cette question que répondaient tous ces mythes, aussi bien la Genèse que les mythes que décrivent les anthropologues ou donc la théogonie, où on peut en trouver de très nombreux exemples. » Pascal Nouvel, vous savez, un des principes de l'émission, c'est qu'on écoute un morceau de musique choisi par l'invité, en l'occurrence vous-même. Et vous avez choisi Mysterioso de Laurent de Wild, qu'on a reçu à cette émission il y a quelques mois, et donc nous allons l'écouter. Culture. La conversation scientifique. Étienne Klein. Pascal Nouvel, vous avez choisi Mysterioso de Laurent de Wild, magnifique morceau, pour des raisons qui sont liées au sujet ou qui sont des... Non, pas vraiment. Ça aurait pu, hein, Mysterioso, c'est vrai que l'origine ça est un bien. Mystère, mais le nom Mysterioso visait surtout Monk, hein, Thelonious Monk, qui est le jazzman en l'honneur de qui Laurent de Wild a fait cet album. Alors, pourquoi j'aime particulièrement ce morceau-là ? Je pense que il y a un mélange qui a été réussi par Laurent de Wild là dans ce morceau, qui est rare, qui est l'alliance du swing et de la sophistication. Et ça a peut-être à voir. C'est un philosophe. Voilà, alors. J'allais le dire. Ça a peut-être à voir avec. Non pas le fait qu'il est philosophe, mais plutôt le fait qu'à un certain moment de sa vie, il s'est intéressé à la philosophie, puisqu'il a été, je crois qu'il a passé le concours de l'école normale avec succès, et puis c'est alors qu'il s'est dirigé vers le jazz. Mais le jazz qu'il fait, c'est un jazz assez je l'appelle sophistiqué, c'est-à-dire assez cérébral. Alors on va continuer, si vous voulez bien, Pascal Nouvel, à questionner l'origine, et notamment la question de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et vous disiez que Bergson avait considéré que cette question était gratuite, une sorte de fausse question qui nous égare dans une métaphysique trop... Il dit ça quelque part. Mais moi j'ai trouvé une citation de lui dans L'évolution créatrice, donc un texte de 1907 qui est antérieur à celui que vous citez, dans lequel il dit un peu le contraire. Voilà, je le lis. « L'existence m'apparaît comme une conquête sur le néant. Je me dis qu'il pourrait, qu'il devrait même ne rien y avoir. Et je m'étonne alors qu'il y ait quelque chose. Je ne puis me défaire de l'idée que le plein est une broderie sur le canevas du vide, que l'être est superposé au néant, et que dans la représentation de rien, il y a moins que dans celle de quelque chose. De là tout le mystère. » Fin de citation. Il me semble que ça contredit un peu l'idée que la question... Ça la contredit totalement, mais ça n'est pas une découverte que les philosophes peuvent avoir tendance à se contredire eux-mêmes. Et je citais Auguste Comte à sa manière, et à son époque, c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres, y compris Bergson, qui est pourtant un de ceux qui sont les plus rigoureux. Donc voilà. Donc, on en fera notre miel, chacun pour son propre compte. Alors, surtout, parce que je pense que même si lui se contredit, il n'en reste pas moins qu'il y a des appréciations différentes de la valeur de cette question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et donc, il peut bien avoir eu à un certain moment une position qui donnait de la valeur à cette question, et à un autre moment avoir au contraire dévalué la question, la même question. Ce qui me paraît important, c'est que dans notre culture, il y a des regards extrêmement contrastés sur la valeur de questions métaphysiques. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu dire. Et sur le type de réponse que l'on donne, par exemple, le scientifique que je suis, lorsqu'il dit, sous la plume de Heidegger, « l'étang de l'être surgit du néantir du néant », il se demande si... Oui, voilà. Alors ça je crois que ça doit être dans un texte, le texte qui a été commenté par Carnap, que Carnap a lui-même brocardé. Il faudrait vraiment aller regarder en détail, mais ça fait sans doute partie aussi de certaines morsures sur la marge dont les philosophes sont capables parfois. Alors Pascal Nouvel, le temps passe et je voudrais qu'on en vienne au cœur de votre propos, plutôt à la conclusion de votre enquête, puisque vous avez examiné toutes sortes de discours d'origine. Il y en a de différents types que chacun connaît. Par exemple, il y a des discours mythologiques, des discours scientifiques. Mais vous arrivez à une classification en quatre familles. Donc il y en a en gros deux de plus que ce qu'on a coutume de considérer. Oui, on a tous en tête, je pense, les discours scientifiques et les discours mythiques qui sont souvent... Ou religieux. Oui, qu'on trouve dans le contexte de traditions religieuses. Maintenant, il y a deux autres catégories, en effet, que j'essaye de mettre en évidence, qui sont d'une part la catégorie des discours que j'appelle rationnels sur l'origine, dont font partie les discours qui essayent de neutraliser la question, dont on parlait tout à l'heure, ceux qui disent cette question ne doit pas être posée ou bien il n'y a pas d'origine. Voilà, ça fait partie des discours rationnels sur l'origine. Et puis, alors, si on les prend dans l'ordre où ils apparaissent dans notre culture, les discours mythiques sont les premiers, comme on les trouve aussi dans beaucoup d'autres cultures. Les discours rationnels sont ceux qui vont chercher à contrarier ou à contredire ces premiers récits. On les trouve chez les tout premiers philosophes grecs. En fait, la philosophie naît d'une interrogation ou d'une contradiction sur la question des origines. Je parle ici de la philosophie d'avant Platon, ce qu'on appelle les présocratiques. Ceux qui commencent à élaborer des modèles du monde, donc Thalès, le tout premier, et puis son disciple Anaximandre, ce sont des gens qui cherchent à élaborer un discours d'origine qui soit différent du discours traditionnel, qui pour les Grecs est le discours de la théogonie, qui nous est connu par Hésiode. La théogonie d'Hésiode. Donc c'est la rupture entre le mutos et le logos, comme on dit, c'est-à-dire même si les deux... C'est comme ça que ça a souvent été présenté, en effet, mais il y a énormément de thèses pour essayer de rendre compte de cette rupture, de cette apparition. L'une d'entre elles consiste à mettre l'accent sur le fait qu'il y a une thématique qui est conservé, la thématique c'est donc celle de l'origine, et qu'il y a par contre un moyen de répondre qui est entièrement différent. Ce moyen de répondre, c'est dans le cas des philosophes grecs, de rechercher ce dont les choses sont faites, alors que les mythologues traditionnels ou les poètes, hein, ceux qui racontaient l'origine du monde jusque-là, eh bien se basaient sur une histoire et sur le seul crédit qu'avait une histoire traditionnelle qui était racontée depuis des générations et des générations, qui dont les sources se perdaient en fait dans une tradition orale. Donc les philosophes Thalès, les tout premiers philosophes, on les appelle même parfois les physiologoi, les physiciens aussi, on peut traduire ça par physicien, c'est-à-dire ceux qui ont un discours sur la physis, sur la nature. Donc ils cherchent, à partir d'une enquête sur la nature, une enquête qui se veut rationnelle, à trouver un discours qui puisse se substituer à ce récit d'origine dont il pressente qu'il est celui donc d'Hésiode, dont il pressente qu'il est arbitraire, qu'il est plein de créatures fantastiques, et tout ça ça va contre les règles de la raison. Et donc il cherche à proposer des discours. C'est là qu'intervient une catégorie qui va être fondamentale pour toutes les divisions que je propose, la catégorie du discours montant. Le discours montant, c'est celui qui part des choses les plus simples et qui va vers des choses plus complexes, des choses plus élaborées. La caractéristique des discours mythiques, c'est que ce sont des discours descendants. C'est-à-dire qu'il y a une intention qui sait déjà, qui sait d'avance ce qu'elle veut créer, ce qu'elle veut former, ce à quoi elle veut en venir, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le monde actuel est la cause finale du processus. Alors ça va s'appeler la cause finale bien plus tard, hein, chez Aristote. En effet, c'est lui l'inventeur de la cause finale, mais on peut dire que déjà, il y a cette idée d'un but qui est par avance fixé et autour duquel les choses s'ordonnent. Donc c'est une contestation de ça qui va être le point de départ de la philosophie. Et d'une longue histoire, puisque très vite, donc la contestation, elle commence donc avec Thalès qui dit mais tout est eau, tout commence à partir de l'eau, tout vient de l'eau. Mais son disciple Anaximandre déjà le contredit en disant mais non, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas expliquer un étang par un étang. On ne peut pas expliquer une chose qui est, même si c'est une chose très élémentaire de la vie de Thalès comme de l'eau, par une chose plus complexe, par une autre chose qui est, même si cette dernière chose est plus simple, parce qu'on aura toujours à répondre à la question de savoir d'où vient l'eau. Et donc, Anaximandre propose à partir de là une explication qui est basée sur un concept abstrait. Et là, Heidegger reconnaissait le premier geste véritablement philosophique pour Anaximandre. Le début de toute chose, ça n'est pas un quelque chose quel qu'il soit, l'eau ou autre chose, c'est l'apéron. Un principe. C'est un principe, c'est surtout quelque chose qui n'a pas de limite. L'apéron, d'ailleurs on ne sait pas très bien ce que ça voulait dire pour les Grecs, mais ce qu'on sait c'est que péron c'est la limite et que apéron c'est donc l'illimité. Donc on a traduit par infini, par illimité, par bon, sans borne. Mais ça veut dire qu'on remplace l'idée de chose qui sera l'origine des choses par un mot finalement. Par un concept, voilà. Pour les philosophes, ce qu'ils reconnaîtront dans ce mouvement, c'est la naissance d'un concept qui identifie un problème, qui identifie le fait que on ne peut pas répondre par des choses qui sont en faisant intervenir des éléments qui sont autour de nous à la question de l'origine. Alors ça c'est donc une première famille de discours d'origine, la deuxième. Alors c'est déjà. J'aurais appelé la seconde si j'avais pas lu votre livre, mais c'est la deuxième. Oui. Parce qu'il y a une troisième, une quatrième. Alors ça c'est donc celle qui vient au début de la philosophie. Donc c'est la deuxième pour vous. Oui, c'est la deuxième, mais alors elle se complexifie assez rapidement, ou disons à travers ces discussions. Là, j'ai simplement retracé les deux tout premiers épisodes, donc Thalès, Anaximandre, mais l'histoire se continue et s'achève. provisoirement, mais enfin, il y a quand même une sorte de paroxysme qui est atteint avec Aristote. Aristote qui parvient à mêler le côté montant qui avait été identifié par les tout premiers philosophes, les physiologues grecs, et puis le côté descendant à travers sa notion de cause finale. Et donc on a des explications rationnelles qui se stabilisent autour de cette structure, à la fois montante et descendante. Montante et descendante. Ça, c'est la famille des discours rationnels. Oui. Ensuite, il y a les discours scientifiques. Oui, alors là, on va assez vite, hein, parce que l'histoire des discours rationnels est très complexe et très riche. Mais bon, absolument, on peut pas commenter tous les chapitres de votre livre. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais évidemment, il faut tous les lire. Mais là, on va quand même passer, parce que il y a la quatrième famille qui m'intéresse beaucoup, au discours scientifique. Alors, vous dites que finalement, c'est Darwin qui a commencé à installer les premiers éléments qui vont constituer cette famille. Comment est-ce que ça s'est passé? Voilà, je peux. Il y a un point qui est important. Alors, pour les philosophes des sciences, les historiens des sciences, c'est que le discours d'origine de type scientifique provient de la biologie et non pas de la physique. Très souvent, lorsqu'on fait de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, on prend la physique comme la discipline qui sert de point de repère. D'abord parce qu'elle a été la première à enclencher la révolution scientifique, et puis parce que elle parle des choses les plus fondamentales, l'univers, la matière, etc. Le temps, l'espace. Comparativement, la biologie parle d'objets qui sont plus restreints, qui sont plus locaux. Les êtres vivants, ils n'existent pour nous que sur la planète Terre. Et bien pourtant, si on s'interroge avec ce fil directeur qui est la question de l'origine, ce dont on s'aperçoit, c'est que les physiciens de l'époque classique, Copernic, Galilée, Newton, laissent de côté la question de l'origine. La laissent de côté et même semblent s'en défier. C'est pas du tout une question qu'ils abordent de front. Et par contre, cette question va commencer à être abordée au XIXe siècle, donc à peu près deux siècles plus tard, par Darwin, qui lui va en faire la question centrale autour de son ouvrage majeur, Origine des espèces, hein, qui précisément reprend le mot origine tout à fait au début de son titre. Ceci, 2 ans après la mort d'Auguste Comte. Donc, après que Auguste Comte ait expliqué qu'on ne pouvait pas parler de l'origine, eh bien voilà que l'origine s'invite, si on peut dire, comme premier mot d'un titre qui va devenir le titre inaugural de. Pour aller dans votre sens, Pascal Nouvel, dans beaucoup d'ouvrages de vulgarisation, on lit qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers avait une histoire. C'est ça. Mais alors donc, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'au XIXe siècle, on se pose la question de l'historicité de l'univers à partir de la thermodynamique. On envisage une hypothétique mort thermique de l'univers. Oui. Bon, l'idée que l'univers ait une histoire était déjà là. Simplement, l'idée que l'univers en tant qu'objet a une histoire, ça c'est une idée qui en effet découle de la théorie d'Einstein de la gravitation. C'est autrement dit, la phrase l'univers a une histoire n'a pas le même sens selon qu'elle est dite au XIXe siècle ou selon qu'elle est dite au XXe. Alors effectivement, hein, à cette époque-là, au XIXe siècle, pour les physiciens, l'univers est encore l'univers classique, et donc il n'y a pas assez... On parle de mort thermique, qui est un terme plutôt de biologie, justement. Oui, la mort. Oui, oui. Peut-être que les confusions étaient du même coup rendues, étaient du même coup facilitées. Mais en tout cas, à partir de l'impulsion qui est donnée par la biologie et par cette théorie qui va elle-même se développer au début du XXe siècle, par sa fusion avec la génétique, eh bien, s'enclenche un mouvement qui va se retrouver dans la physique, et les physiciens vont se mettre aussi à raconter donc des histoires de l'univers, et on a, comme on l'a aujourd'hui, un certain nombre de récits sur les origines, qui sont des récits d'origine de l'univers. Qui racontent plutôt des généalogies, des genèses relatives, disons. Comment on explique comment telle constitution a pu se former à partir de tels ingrédients qui étaient déjà là. Et puis qui ont ce caractère d'être des hypothèses. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui ne va pas se modifier. C'est là que je tique un peu. Oui, alors, Je crois qu'une personne de ma connaissance qui s'appelle Étienne Klein a écrit un livre qui s'intitule « Discours sur les origines de l'univers ». Au singulier, qui... sur l'origine de l'univers. Ah ben ça, on ne peut pas savoir. Hein, parce que... C'est le titre en tout cas. Oui, mais le discours, le mot discours, est... c'est orthographié de la même façon. C'est le mot origine qui est au singulier. Ah, discours oui, oui. Sur l'origine de l'univers. Oui, mais il y a plusieurs discours. Et ah oui, bien sûr. Si on, ah, bien sûr. Si on non, s'en tient au contenu du livre, ah, bien sûr l'idée, c'est qu'il y a, voilà, il y a plusieurs hypothèses. Par contre, sur les atomes ou sur les étoiles, je pense qu'on est au-delà des hypothèses. Oui, mais ce qui m'a frappé, le livre que vous avez écrit a dû être publié à peu près un siècle après le livre de Poincaré, qui s'appelait « Les hypothèses cosmogoniques », qui était son dernier cours du Collège de France. Et ce qui m'a frappé, c'est que en un siècle... La physique ne présente pas les mêmes hypothèses, mais il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose qui est conservé, il y a un invariant, c'est que on a toujours des hypothèses. Mmh. Et on peut faire le postulat, on peut, c'est même pas un postulat, je crois que c'est tout à fait raisonnable de le dire, dans un siècle, dans deux siècles, dans dix siècles, la physique aura certainement des hypothèses, sans doute pas les mêmes que celles d'aujourd'hui sur l'origine de l'univers. Mais elles seront en concurrence les unes avec les autres, comme c'est déjà le cas avec Poincaré, comme c'est le cas au moment où vous faites vous-même une sorte de bilan de ces discours. Et donc, ça n'est pas une imperfection de la physique, c'est ou de son statut en général, c'est le statut, voilà, du discours scientifique sur les origines. D'accord, vous m'avez convaincu, mais en lisant votre livre, c'est la quatrième qui m'a interpellé parce que j'y avais justement pas vraiment pensé. Oui. Et en fait, vous lui donnez une place importante dans votre livre. C'est ce que vous appelez les discours phénoménologiques. Oui. Et notamment, vous insistez sur une différence radicale proposée par Husserl entre la notion de chose et la notion d'objet. Oui. Qui pour moi me paraissait une différence tout à fait arbitraire. Oui. Mais vous montrez que non, dans ce cadre-là, il faut les distinguer en profondeur. Oui. Alors, d'abord, sur la question du rôle de la question d'origine chez Husserl, elle est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que Husserl, à la fin du XIXe siècle, fait un bilan sur la science de son époque, qui consiste à dire « Notre science a un certain nombre de problèmes, elle est en crise ». On parle beaucoup de la crise de la physique à ce moment-là, et puis de la crise des mathématiques, donc c'est à ça qu'il fait référence. Nos sciences sont en crise. Pourquoi le sont-elles? Parce qu'elles n'ont pas pensé suffisamment à fond la question de l'origine. Elles l'ont escamoté, cette question. Et là, on peut se référer à ce que je disais tout à l'heure sur Newton. Newton ne prend pas du tout à bras-le-corps cette question. Au contraire, il la laisse prudemment de côté. Et donc, Husserl dit, le problème que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la crise des mathématiques, la crise des fondements dans les mathématiques, ou la crise de la physique, ce problème, il vient de là. Il vient de ce que nous avons négligé de penser l'origine. Il faut donc penser l'origine. Et comment la penser, cette origine? Eh bien, il faut se demander ce qu'est un objet pour la conscience. Parce que ce que la physique cherche à expliquer, c'est ce qu'est un objet, mais ce qu'elle laisse de côté, c'est la question de savoir comment la conscience constitue son savoir des objets. Et c'est ça, pour Husserl, la question de l'origine, qui donc a été prudemment écartée, mais que lui souhaite réouvrir. Et cette réouverture, eh bien, ce sera la phénoménologie. En effet, vous dites, je vous cite Pascal Nouvel, c'est une phrase qui interpelle le physicien, en fait. L'objet dans la nature est chose dans la conscience, et cette petite mais capitale différence fait toute la spécificité du discours phénoménologique sur les origines. Oui. Alors que pour un physicien, entre un objet absolument, et une c'est chose, pareil. C'est pareil. Voilà, c'est un synonyme. Pour la phénoménologie, c'est tout à fait différent. La chose, c'est l'objet tel qu'il a été constitué par la conscience. Et donc, il y a toute une série d'opérations constitutives qui sont à décrire, alors qui peuvent apparaître lorsqu'on lit ces descriptions comme des évidences. Mais pour Husserl, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de décrire ces évidences qu'on s'est trouvé devant un manque donc de discours sur les origines et du même coup un problème sur les fondements. Donc si je comprends bien, c'est parce qu'on a trop vite confondu les objets et les choses que la question de l'origine a été mal posée. Oui, c'est le diagnostic, en tout cas, que fait la phénoménologie, tout à fait. Et pour qui, et là je vous cite à nouveau, c'est donc la conscience elle-même, en tant qu'elle est la condition d'apparition de toutes les choses, qui est originaire. Voilà. Mais si à partir de là, on a changé de perspective. On est dans un autre discours qui n'est plus du tout, qui n'a plus du tout la même structure que les précédents. J'ai oublié de dire, mais j'y reviens très vite, que les discours scientifiques, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont tous intégralement et uniquement montants. C'est-à-dire qu'ils partent du plus simple et ils vont vers le plus compliqué, ce qui est donc l'inverse des discours mythiques, qui eux sont tous descendants. Et ils se combinent plus ou moins avec les discours rationnels, puisque eux sont à la fois montants et descendants. Alors, quelle est la caractéristique maintenant de ce quatrième type de discours qui naît au début du XXe siècle, donc le discours phénoménologique sur les origines, c'est qu'il n'est ni montant ni descendant. À partir du moment où on part de la conscience, il n'y a plus de question de savoir si on est montant ou descendant. Le point de départ, c'est l'homme qui questionne, et qui questionne avec sa capacité à voir des objets comme des choses. Mais ça m'amène à deux questions, Pascal Novel. La première, c'est si vous dites que la conscience est originaire, est-ce que ça me laisse le droit de poser la question de l'origine de la conscience ou pas ? Ça fait que, à ce moment-là, on tourne dans un cercle, voilà. Qui est tout toute la problématique dans laquelle on est aujourd'hui. Le phénoménologue peut parfaitement dire aux physiciens « Vous n'auriez pas d'objets dont vous pourriez parler si la conscience ne les avait pas constitués pour vous. » Ça, c'est une sorte de truisme. Et oui, mais le physicien peut répondre « Oui, mais cette conscience, vous l'avez parce qu'un certain nombre d'objets se sont mis en forme de telle sorte que vous puissiez avoir ces capacités de raisonner. » Et donc, on est dans une discussion, dans un cercle, oui, dans une conversation scientifico-phénoménologique où on ne voit pas très bien comment on peut sortir du cercle. Parce que vous évoquez, Pascal Novel, dans votre livre « Avant toute chose », cette espèce de discussion justement qui a eu après l'apparition d'un livre de Quentin Meillassou, un philosophe qui avait publié ce livre intitulé Après la finitude, dans lequel il insistait sur ce qu'il appelle le paradoxe de l'ancestralité, à propos du temps. Si on dit que le temps est produit par la conscience d'une façon ou d'une autre, comment a-t-il pu passer avant que la conscience apparaisse ? C'est ça. Sachant qu'on sait dire aujourd'hui que l'humanité, enfin le genre homo, a une certaine historicité, et que l'univers a en gros passé le plus clair de son temps sans nous. Oui. Et donc si le temps a besoin de nous pour exister ou être conçu, comment a-t-il pu passer avant qu'on arrive ? Oui, alors pour Quentin Meillassou, c'est un point qui permet de critiquer ce qu'il appelle les théories corrélationnistes, dont les théories phénoménologiques sont une variante. Donc il y a une tendance, selon lui, dans la philosophie contemporaine, à un corrélationnisme débridé, et c'est ce corrélationnisme qu'il critique en faisant valoir cette évidence. Les physiciens sont capables aujourd'hui, ou même les biologistes d'ailleurs, les biologistes sont capables de décrire l'époque où il y avait sur Terre des dinosaures, par exemple. À cette époque-là, il n'y avait aucun être humain sur Terre, il y a 65 ou 70 millions d'années. Pourtant, on peut le décrire, donc la conscience peut accéder à quelque chose qui a eu lieu avant qu'elle n'existe. Et pour lui, c'est l'argument qui permet d'invalider les thèses corrélationnistes. Sauf que parmi les thèses corrélationnistes, il y en a certaines, effectivement, qui vont dans le sens qu'il critique, mais c'est loin d'être la totalité. On peut tout à fait concilier un discours sur ce qui a précédé la conscience à l'intérieur de l'approche phénoménologique et donc une reprise des thèmes fondateurs de la phénoménologie elle-même. Il y a eu une réponse apportée par Michel Bilbol, qui était venu à ce même micro il y a quelques mois, en réponse à cette critique des philosophies corrélationnistes par Quentin Meillassou, qui avait écrit un livre « Maintenant la finitude », vous le citez d'ailleurs dans votre propre livre, mais votre réponse personnelle à ce paradoxe, quelle serait-elle ? Alors, moi, comme je suis biologiste, j'ai quand même beaucoup de mal à ne pas envisager l'être humain comme ayant des ancêtres qui n'avaient pas la conscience de l'homme. Par contre, à partir du moment où l'homme apparaît, il y a un certain nombre de capacités de saisir son environnement qui sont originales et qui justifient qu'on dise « là, il y a un commencement, il y a un commencement » qu'on doit prendre en compte comme ce qui nous permet de savoir ensuite ce qui a eu lieu précisément avant même que l'homme n'existe. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux discours, et le discours phénoménologique a un certain mérite qui me paraît tout à fait important, c'est qu'il concilie ou il met en relation deux grandes branches de la philosophie qui, depuis Platon et Aristote, se sont dissociées, se sont séparées. Je crois que c'est ça qui donne un petit peu comme en physique quantique, on a des théories qui sont très abstraites, on peut se dire mais à quoi ça sert ? Mais on voit bien que ça a eu une utilité quand on veut faire fonctionner un GPS ou des choses de ce genre. Eh bien là c'est la même chose, on peut trouver que la phénoménologie est très abstraite, très absconce, avec un discours extrêmement impénétrable, mais... Elle oblige à avoir des discours extrêmement prudents en fait. Oui, mais surtout, alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est que il y a ces deux grands courants de la philosophie pratique d'un côté, qui considère que la philosophie, elle a à répondre à des questions existentielles, c'est-à-dire pourquoi, enfin, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la souffrance, à quoi servons-nous, que sommes-nous, etc. Tout ça, ce sont des questions existentielles. Et puis de l'autre côté, il y a des questions métaphysiques qui ont été développées aussi par un autre courant de la philosophie. Et ces deux courants se sont développés donc de façon souvent hostile l'un par rapport à l'autre. Et ce que permet la phénoménologie, c'est précisément de les retrouver, de les réappareiller. Et ça, je pense que du point de vue d'un philosophe, c'est quelque chose qui rend ce courant particulièrement précieux. Alors, ça sera le mot de la fin, Pascal Novel, parce que le temps, dont je ne sais pas s'il est produit par la conscience, a passé. Oui, c'est le mot de la fin, juste pour dire que la conséquence de ça, c'est que les tout premiers discours, les discours mythiques, se trouvent relégitimés d'une certaine façon par ces discours phénoménologiques. Et donc, on a une suite de discours, donc quatre types de discours, mais qui se referment les uns sur les autres. On a une suite circulaire. Et ça, c'est une image très différente. Je reviens à Auguste Comte parce que il a proposé une thèse selon laquelle nous passions par des âges, hein, par trois âges. L'intelligence passe par trois âges. L'âge religieux, l'âge métaphysique, l'âge scientifique. Et la conclusion de cette présentation, c'est qu'il y a une hiérarchie des savoirs. Eh bien, si on l'applique au discours d'origine, il y aurait une hiérarchie des discours d'origine. Avec le discours phénoménologique, ça n'est plus le cas. Il n'y a plus de hiérarchie parce qu'il y a circularité. C'est un peu la conclusion de votre livre. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Je recommande la lecture de votre livre, Pascal Novel, Avant toute chose, enquête sur les discours d'origine. J'ai une petite anagramme pour vous, parce que vous dites que la question de l'origine est un mystère, et vous dites qu'à propos de ce mystère, il faut enquêter, c'est ce que vous avez fait. Or, l'anagramme de question sans réponse, c'est enquêtons sans espoir. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jérémy Kaufmann, et à la réalisation Delphine Lemaire.